2500 supplémentaires depuis hier. Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, le plus touché du pays, annonce une possible reprise partielle des chantiers et des usines à partir du 15 mai. Un redémarrage de l'activité qui devrait toutefois concerner dans un premier temps seulement le nord de l'État et donc pas la ville de New York située à l'extrémité sud de cet État de New York. À découvrir sur franceinter.fr. Vous les applaudissez tous les soirs à 20h. Infirmières, pharmaciens, médecins, dentistes, aides-soignants, ils ont des choses à vous dire. Hier, on a eu des soignants qui ont craqué, qui se sont mis à pleurer, à exprimer de la peur. Ils ont peur de le porter sur leurs vêtements. Ça devient même un peu de la psychose, quoi. Et à la fois, c'est une réalité. Écoutez-les sans filtre dans le podcast Parole de soignants. Rendez-vous sur franceinter.fr et sur l'application mobile France Inter. Autant en emporte l'histoire à 21h03 sur France Inter avec Stéphanie Duncan. Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1915, une journée dans la vie de Marcel Proust. Avril 1915 à Paris. L'Europe est en guerre depuis 8 mois. Une guerre qui s'enlise, quoi qu'en disent les journaux et leurs communiqués patriotiques. L'atmosphère est étrange dans la capitale. On ne voit plus d'hommes jeunes dans les rues. Ils sont tous au front. Tous, sauf un. Cet homme de presque 44 ans, qui a été réformé en raison de son asthme et vit cloîtré dans son appartement du 102 boulevard Haussmann. La nuit, alors que le ciel s'illumine des projecteurs de la défense antiaérienne, Marcel Proust écrit. Il écrit pendant des heures, assis dans son lit, éclairé par une petite lampe à l'abat-jour vert. L'écrivain est un homme pressé. Aura-t-il le temps d'achever son œuvre, sa cathédrale, comme il l'appelle ? C'est une journée dans la vie du célèbre écrivain que je vais raconter ce soir, en compagnie de celle qui, jusqu'à son dernier souffle, ne le quittera pas, la merveilleuse Céleste Albaret, gouvernante, femme de chambre, amie, enfant, mère, sans laquelle, sans doute, Marcel Proust n'aurait jamais pu construire sa monumentale à la recherche du temps perdu. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Tadier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature, vous avez consacré une grande partie de votre vie à l'étude de Marcel Proust. C'est vous qui avez d'ailleurs dirigé l'édition de son œuvre dans la Pléiade, un travail mais aussi, j'imagine, une passion pour vous. Proust, donc né en 1871, mort en 1922 à l'âge de 51 ans, est l'homme d'une œuvre, quasiment une œuvre unique, à la recherche du temps perdu, une œuvre colossale. Le premier volume a été publié en 1913. En quoi cette œuvre occupe-t-elle une place si unique, inédite même dans la littérature française? Elle continue d'ailleurs aujourd'hui de passionner de nouveaux lecteurs chaque jour. Ce n'était pas le cas dès le début. À l'époque, en parlant, Proust était presque inconnu. Et lorsque son œuvre a été achevée en 1927, achevée quant à la publication, sa grandeur n'est pas apparue à beaucoup de gens telle qu'elle apparaît maintenant. Il a sans doute fallu au moins 50 ans pour qu'elle prenne sa dimension d'abord nationale, puis internationale, d'œuvre qui résumait la pensée du siècle, finalement, quant à l'histoire, quant au temps, quant aux problèmes qui nous passionnent tellement maintenant de la mémoire. Et on s'est aperçu petit à petit, par la quantité des ouvrages qui lui étaient consacrés, que Proust avait parlé de tout. Et c'est probablement ça qui fait l'un de ses traits principaux. Il parlait du temps passé, du temps perdu, et en même temps c'était un homme profondément moderne. Oui, et il parlait aussi des moyens modernes de communication, comme c'était à l'époque le téléphone, qu'il est toujours maintenant. Il était passionné de modernité. Et il parlait aussi hors du temps, c'est-à-dire qu'il édifiait des grandes structures de compréhension qui explique que son œuvre échappe à son époque étroitement datée, de la fin du 19e, du début du 20e, de l'avant-Grande Guerre, pour garder un sens, même aujourd'hui ou demain. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes est une journée donc dans la vie de Marcel Proust. Le 13 avril 1915, je l'ai dit, la France est en guerre, une guerre déjà extrêmement meurtrière. C'est l'époque où les Allemands commencent à bombarder les zones civiles, l'époque aussi des premiers gaz asphyxiants utilisés sur le champ de bataille. On est loin d'une guerre courte comme on l'avait imaginé. Ça, c'est le contexte historique, mais à ce moment-là, Jean-Yves Tadié, qui est Marcel Proust dans sa vie personnelle d'abord et ensuite comme écrivain? On pourrait dire que c'était un petit écrivain. Il a publié à 24 ans un recueil de nouvelles et de poèmes qui s'appelle « Les plaisirs et les jours » qui est passé complètement inaperçu. Il écrivait dans les journaux, notamment dans le Figaro. Il avait traduit deux livres d'un grand esthéticien anglais, John Ruskin. Et en 1913, il publie, non sans mal d'ailleurs, son premier roman « Du côté de chez Swann » qui n'est pas passé complètement inaperçu. Il y a tout de même quelques articles dans les journaux, pas tous favorables d'ailleurs. Et le livre se vend à peu près 2000-2500 exemplaires jusqu'en 1914, ce qui est plus que ce ne serait maintenant, mais tout de même pas un triomphe. Donc quelques-uns le connaissent, mais on ne peut pas dire qu'il soit quelque chose de plus qu'un écrivain assez modeste et assez peu connu. Et dans sa vie personnelle, c'est un homme marqué par la maladie depuis son enfance et par le deuil également. Proust est un homme marqué par beaucoup de choses, mais qui ne l'est pas après tout. Si on le replace dans son époque, il portait des tares qu'on ne lui reprocherait plus maintenant, évidemment. Je ne lui reprocherai rien. Il était à moitié juif par sa mère, il était homosexuel, il était malade d'une maladie chronique très grave qui est l'asthme. Or, l'asthme est une maladie sérieuse, mais qui a mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'on croit toujours que les asthmatiques, on rajoute, s'imaginent des choses, ne sont pas vraiment malades. Sauf que c'était un malade qui n'était pas pris au sérieux. Mmh. Or, de cette maladie, il est tout de même mort. Et il est seul, c'est un homme relativement seul. Ses parents sont morts. Ses parents sont morts en 1903 et 1905. Et il s'est retrouvé comme un vieil enfant. Il a donc quitté l'appartement familial pour en occuper un autre assez grand, boulevard Haussmann, le 6 pièces. Et il a toujours besoin d'être entouré. Donc, il avait un ou deux domestiques autour de lui. Et lorsque sa vieille gouvernante, Céline Cottin, s'en va, il a la chance de rencontrer une jeune femme qui va s'occuper de lui jusqu'à la fin, et qui est la fameuse Céleste Albaret, qui est si fameuse qu'elle est presque maintenant considérée comme un des auteurs de La Recherche du Temps Perdu. Et son appartement, donc il vit dans quelque chose de très... Il vit essentiellement dans sa chambre, une chambre qui fera revêtir de liège à l'image de plusieurs personnes de l'époque, dont la comtesse de Noailles, parce qu'il souffre beaucoup du bruit. Le boulevard Haussmann est un boulevard très bruyant. Les voitures à cheval ne faisaient pas moins de bruit que les voitures à moteur. Il y avait aussi les bruits des voisins, de son voisin de l'étage supérieur, le dentiste. Et il souffrait de tout cela. En plus, il souffrait d'autant plus qu'il n'avait pas les heures de tout le monde. Donc, il ne fallait pas le réveiller dans son sommeil, puisqu'il dormait plutôt le jour. Et il ne fallait pas le déranger la nuit, parce que c'est à ce moment-là qu'il travaillait. Jean-Yves Tadié, je propose que nous poursuivions ces discussions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1915, une journée dans la vie de Marcel Proust, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Hélène Bisio. Je n'ai pas envie de me raser. Ce médecin militaire me verra tel que je suis, malade. Et s'il veut m'envoyer au front, je ferai mon devoir de soldat, comme Bertrand. Mais lui, il s'était engagé volontairement. Il voulait aller au front à toute force. On le croyait prisonnier et il est mort au champ d'honneur. Lui qui aimait la littérature allemande par-dessus tout, qui a fait la guerre par horreur de la guerre. Qu'il est difficile de vivre dans l'inquiétude, seul ici, loin des combats où sont engagés mes amis les plus chers. S'il faut faire la guerre, je la ferai. Et je n'achèverai jamais mon œuvre, ma cathédrale. Eh bien, je resterai l'auteur d'un seul livre, Un amour de Swann, et tant pis pour À la recherche du temps perdu. Qu'est-ce qu'un livre, après tout, quand le sinistre est général? Peut-être que je devrais me raser. Céleste ne va pas trouver cela convenable. Paris, 13 avril 1915. Marcel Proust fait face à son miroir. C'est un homme de 43 ans, une mèche rebelle de cheveux très noirs sur le front, les dents extrêmement blanches quand il sourit. De taille moyenne, mince, ses manières délicates sont celles d'un malade qui économise ses forces. Il vient d'apprendre la mort sur le front d'un de ses vieux amis, Bertrand de Fénelon. Ce 13 avril 1915 commence pour Marcel Proust une journée particulièrement bouleversée. Comme à son habitude, il a travaillé toute la nuit, mais il n'a dormi que quelques heures. Il est convoqué tout à l'heure devant le conseil de révision. Après 6 mois de guerre et des pertes en hommes considérables, le gouvernement français a ordonné la vérification des réformes et des sursis. Exempté pour raison de santé, Marcel Proust doit se présenter aujourd'hui à un examen médical. Voilà votre café, monsieur Marcel. Le boucher est fermé. Il a laissé une pancarte. Le patron est allé à Berlin chercher la viande de 1870. Ça a fait rire tout le quartier. Vous ne riez pas? Si, beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. On ne dirait pas. Vous faites une tête et vous avez oublié de vous coiffer. Vous êtes comme un vrai ploumissou. Qu'est-ce qu'un ploumissou? Ça, je ne sais pas. C'est ma mère qui m'a appelé comme ça. Viens ici que je te coiffe, mon petit ploumissou, tout est bourriffé. Mais vous avez pleuré, monsieur Marcel? Oh, je me tais. Toutes ces vieilles photographies ne vous font que des chagrins. Elle est drôle, celle-ci. Qui est-ce? La femme, là, debout sur une chaise de jardin. Et vous, à genoux devant elle, en train de gratter une raquette de tennis comme si c'était une guitare. C'est Jeanne de Caillavet. Moi, le tennis, je n'y tenais pas. Elle y jouait parfaitement. Quand elle avait trop chaud, elle m'envoyait chercher des bières et de la limonade au café Boulevard Binot. Je lui achetais des fleurs, des cadeaux. Je me donnais un mal. J'étais si maladroit. Je croyais l'aimer. Vous me regardez avec des yeux pleins d'eau. Oh, monsieur Marcel, vos souvenirs vous torturent. C'est pour votre œuvre, n'est-ce pas? Ma mémoire a de telles défaillances. Les photographies m'aident. Regardez, elles tombent en poussière. Comme une collection de vieux éventails, il n'y a plus de main pour les faire vivre. La fête est finie. Mon œuvre la fera revivre. Si on me laisse le temps de l'écrire, c'est une course de vitesse. La maladie peut m'emporter d'un jour à l'autre. Ou la guerre. Vous ne dormez pas assez. Vous ne vous êtes pas endormi avant 8 heures ce matin. Et vous voilà déjà debout. Et il n'est pas midi. C'est aujourd'hui. Le 13 avril? Vous êtes sûr? La convocation est là. Sur la table. Et à quelle heure veulent-ils vous voir, ces messieurs les médecins militaires? Ce sont des vrais médecins au moins. 13h30 à l'hôtel de ville. Salle Saint-Jean. Entrée par la rue Lobo. Vous pensez que je dois me raser? Voyons, bien sûr que non. Vous avez le droit d'avoir une barbe de 8 jours, avec votre asthme. N'oubliez pas le certificat du docteur Lodowski. J'espère ne pas avoir une crise là-bas, dans les bureaux du conseil de révision. Surtout, envoyez-moi chercher si vous ne vous sentez pas bien. Oh, il y a beaucoup de petits gars qui pleurent pour ne pas y aller. Vierge Marie, ce ne sont que des enfants. Les journaux ont ordre de ne pas le dire, mais il n'en reviendra pas lourd de toute cette jeunesse. Tout de même, malade comme vous êtes, à 44 ans, ce n'est pas permis. Chère Céleste, si discrète, qui sort pour me cacher ses larmes, ce conseil de révision, c'est presque comique. Moi qui survis cloîtré à l'abri de la moindre poussière, sur le front de l'Argonne, il n'y a plus une goutte de chloroforme. On ampute à vif. Le blessé se cramponne au barreau du lit. Bertrand a dû mourir comme cela, dans la souffrance. Reynaldo est là-bas. Ces histoires de bombes qu'il voit tomber tout près de lui. Il aura tellement de choses à me raconter qu'il lui faudra Mirbeau et Courteline pour en donner une idée. Et cette photo, il l'envoie pour m'amuser. Reynaldo en uniforme et fusil en bandoulière, prêt à se faire tuer dans les forêts de l'Argonne. Rien de plus cacachois que ce portrait, dit-il. Je l'avais prié de demander une permission et il ne me répond pas. État-major de la 10e division d'infanterie, c'est bien son adresse. S'il pouvait être là, si je pouvais le voir, lui parler. Il faut se dire que notre douleur peut nous élever, et si les émotions effritent notre vie, elles viennent s'ajouter à l'œuvre. Mais d'œuvre, est-il encore question à présent ? Marcel Proust ouvre le piano sur lequel Reynaldo Hahn jouait avant-guerre. Le célèbre musicien a été son compagnon de 1894 à 1896 et restera son ami le plus cher jusqu'à sa mort. Enthousiaste et généreux, Reynaldo a composé des mélodies pour piano et des opérettes, dont la célèbre Ciboulette. Lui aussi s'est engagé volontairement. Marcel Proust tape quelques notes tout en parcourant du regard cette chambre où il écrit, mange, reçoit de rares visites. La vapeur de la fumigation qui libère sa respiration d'asthmatique s'est dissipée, laissant paraître les hauts murs. 4 mètres sous plafond couverts de liège qui insonorisent la chambre. De même, les volets tirés derrière les fenêtres doubles protègent des bruits de la circulation du boulevard Haussmann. Jour et nuit, la chambre est éclairée à l'électricité par une petite lampe près du lit. C'est le bleu qui domine. Le bleu des lourds rideaux de satin doublés de molleton, du fauteuil en velours de gêne, du couvre-lit couvert de photos éparpillées. Madame Céleste ! Dans 1h30, le conseil de révision. Vous ne voulez vraiment pas que je vous accompagne ? Non, j'irai seule. Remportez le café, merci. Il n'a pas d'arôme. Mais c'est le café de chez Corcelet, rue de Lévic, préparé comme vous l'aimez. Vous vous souvenez le jour de votre arrivée ? Je vous ai dit, apprenez à faire l'essence de café, c'est la seule chose à savoir. Je ne savais rien faire du tout. Surtout parler à la troisième personne comme fait mon mari. Où monsieur veut-il que je le conduise ? Moi, je ne sais pas parler comme ça. Madame, je ne vous le demanderai jamais. Pour en revenir au café, monsieur Marcel, moi je crois que vous aurez perdu le goût des choses. Il n'y a plus que votre recherche. Si on me laisse le temps de l'achever. Ils ne vous prendront pas. Vous, en revanche, avez l'air toute joyeuse. Des nouvelles de votre mari ? Oui. Odilon a une permission. Regardez la carte qu'il m'envoie, des environs d'Amiens. Il dit qu'il a une barbe et des gros brodequins de soldats. Il doit être affreux, je vais en tomber à la renverse. Ah, parce qu'il y a du courrier ? Ouh là là là là là, là, rouge la tête, moi, je l'ai oublié dans le vestibule. Céleste, Céleste... C'est cette permission aussi, j'en suis toute tourneboulée. J'y cours. Je crois qu'il y a encore une lettre de M. Gallimard. Un jour, il faudra bien lui faire réponse. Lorsque Marcel Proust cherchait à faire publier du côté de chez Swann, tous les éditeurs l'avaient refusé. Il avait dû assurer lui-même les frais d'impression. À sa sortie, en 1913, le livre fut un succès de librairie. Marcel Proust avait envoyé le manuscrit à Gaston Gallimard. Le paquet n'avait même pas été ouvert. Mais depuis la publication, Gaston Gallimard a mesuré son erreur et multiplie les sollicitations. Proust n'y répond pas. Depuis la mort de sa mère, il ne reçoit presque personne. En 1915, il est plus solitaire que jamais. Il n'a plus auprès de lui que Céleste Albaret, qu'il a employée tout récemment. Avant-guerre, n'ayant plus de voiture, Marcel Proust eut recours à des taxis et s'était attaché plus particulièrement les services d'un chauffeur, Odilon Albaret. Celui-ci avait épousé Céleste en 1913 à Auxilac, leur village natal de Lozère. Marcel Proust cherchait une gouvernante, il engagea Céleste. Elle a aujourd'hui 24 ans. Personne ne jouera auprès de lui un rôle égal. Jusqu'à la mort de Marcel Proust, elle restera à ses côtés. Un jour, il faudra bien lui faire réponse. Il faudra bien lui faire réponse. Galimard n'a pas eu la politesse d'ouvrir ce paquet que Céleste avait fait avec tant de soin. Chère Céleste, si spirituelle, si intègre, lui faire réponse. Il faut que je le note. Ces expressions grand siècle, la langue de Madame de Sévigné. Céleste a le génie de la langue française. Sur ses lèvres, je vois fleurir le français à l'état pur. Grande, fine, avec parfois un air de lassitude quand elle fredonne « Ici-bas, tous les lilas meurent. » Belle. La beauté des êtres n'est pas comme celle des choses. Nous sentons qu'elle est celle d'une créature unique, consciente et volontaire. Et elle a de ses colères. À côté, les crues de la Seine ne sont rien. Elle saccage tout d'un mot. Je ne connais personne mieux qu'elle. Que ferais-je sans son affectueuse compréhension? Que ferais-je sans elle? Voilà le courrier et le Figaro. Au journal des débats... Oh, zut! Vous vous oubliez, je crois. Merci. Seuls les journaux me relient aux réalités du monde actuel. Mais ce sont des interlocuteurs stupides, ces journalistes gonflés d'hymnes patriotiques qui soufflent sur le brasier. Jaurès était le seul qui aurait pu nous éviter cette guerre désastreuse. Un grand homme. Ah ça, oui, monsieur Marcel. Les gens se trompent quand ils prennent pour réalité ce que disent les journaux. Voyons ces lettres. C'est comme vous, ce que raconte votre livre. On vous l'attribue à vous-même et ce n'est même pas vrai. Exemple, Françoise, qui est un peu moi dans le roman, elle rentre à l'improviste dans la chambre. Et ça, je me l'interdis formellement, n'est-ce pas? Mon conseiller financier, le Crédit Industriel, me conseille de garder mes positions. Selon lui, je devrais uniquement vendre les actions Mexico-Tramway. Décidément, il croit que la guerre va bientôt finir. Poincaré a décrété une allocation de 1,25 francs par jour et 50 centimes par enfant pour les familles démobilisées. C'est bien la preuve que ça va durer et qu'il y aura encore beaucoup de veuves et d'orphelins. Monsieur, si vous n'étiez pas riche, je me demande comment vous feriez, faible comme vous êtes. Mais je ne suis pas riche. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, madame, que j'ai résilié l'abonnement au téléphone. C'est pour cela que vous avez... Non, ce n'est pas pour cela. Depuis que vos parents ne sont plus de ce monde, vous voulez être seule et vous consacrer à votre œuvre. Mon père prétendait que je mourrais sur la paille. Il avait raison. Tout de même, riche, vous l'êtes assez pour faire ce qui vous plaît. Et si vous ne l'êtes pas, alors pourquoi vous ne m'appelez pas Céleste? Madame, ça m'intimide. Madame, je ne le peux pas. Oh, et puis il y a un livre, tenez, je ne sais pas ce que c'est. Vous irez chercher un fiacre au carrefour de la rue Tronchet. Quelle heure est-il? Midi et demi, j'irai dans un quart d'heure. Une demi-heure pour aller à l'hôtel de ville, c'est bien suffisant. Toutes les automobiles ont été réquisitionnées. Vous serez en avance. Un coup de dé jamais. Pardon? C'est le titre du livre de Stéphane Mallarmé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. C'est une devinette? Je crois que je préférerais que vous alliez chercher le fiacre tout de suite, s'il vous plaît. Une lettre de Monsieur Galimard? Non. J'y vais, j'y cours. Reynaldo, la lettre a été postée de... Oh, le cachet de la poste est illisible. Vauquois dans la Meuse, 31e régiment. Très cher gentil, je ne peux pas demander un congé qui me serait refusé pour des raisons trop longues à vous expliquer. Et si je le pouvais, je ne le voudrais pas pour des raisons qui sont trop longues à vous expliquer. Il ne viendra pas. Il ne dit rien de la mort qu'il voit en face chaque jour, cigarette aux lèvres. Dans ma solitude, la moindre crainte devient quelque chose d'inconsolable. Je ressens tout si violemment. Si Reynaldo savait que je vais peut-être le rejoindre, sur le front, je le saurai dans une heure. La convocation dans ma poche gauche, le livret militaire poche intérieure. J'ai couru pour arriver le plus vite possible. Le fiacre est en bas. Mais vous êtes en âge. Vous, si délicate, vous ne pensez pas assez à vous. Gardez ce châle et ne vous découvrez pas tout de suite. Il y a un méchant courant d'air dans la cage d'escalier. N'allez pas tomber malade. Que deviendrai-je ? Attendez, dites-moi ce que vous voulez à dîner. Comme ça, quand vous reviendrez, ce sera tout prêt. Une petite sole, une friture des perlans et une brioche de chez Bourbonneau, rue de Rome. Je ne sais pas si j'aurai bien faim. Il faut manger, tant qu'il y a encore de quoi. Vous reviendrez vite, monsieur Marcel, sans aucun doute. Que je suis inquiète. En ce mois d'avril 1915, la vie quotidienne des Parisiens n'a pas subi de véritables changements. On parle de rationnement du pain, mais les cartes d'alimentation ne seront distribuées qu'en 1917. Quand le fiacre qui mène Marcel Proust à son rendez-vous s'engage dans la rue de Rivoli, les charrettes des marchands qui stationnent le long du trottoir sont très bien achalandées en fruits et légumes. Sur la place de l'Hôtel de Ville, les Parisiens viennent consulter les cartes où s'affichent les positions des armées et les réformés se sont fait vendeurs de drapeaux français. 13h sonnent à l'église Saint-Gervais quand le fiacre contourne l'Hôtel de Ville et s'arrête devant le 5 rue Lobeau. Après avoir payé la course, Marcel Proust entre dans le bâtiment du conseil de révision et consulte les listes affichées au guichet. Mon nom est sur la liste. Numéro d'ordre 241. J'ai cru ne jamais arriver. Ce fiacre antédiluvien, comme dirait Céleste. Je me sens dans un état de fatigue extrême. Je vais attendre combien de temps dans ce couloir ? Céleste pense que c'est ma volonté, mais je ne peux voir personne avec cette douleur constante qui menace de m'étouffer. Ce court voyage à travers Paris va me clouer au lit pour 3 semaines. Si je ne suis pas pris, il faudra travailler vite. J'ai écrit une note importante hier soir. J'espère que Céleste l'aura retrouvée. S'il m'envoie au front, Céleste n'y survivra pas. Quel silence. L'antichambre du massacre. Où ai-je mis mon livret ? Il est là. Le service militaire était un joyeux charivari à côté d'une ligne de front. On s'y exerçait au mot d'esprit plus qu'au maniement de la grenade à main. Je ne leur ai pas dit que j'étais officier. Donc si je pars, je partirai comme simple soldat. Peut-être comme infirmier, puisque je dépends du service de santé. Du métier d'infirmier, je ne sais pas un mot. Je demanderai à être affecté au régiment de Robert à l'hôpital de Verdun. Ah, ça va être à moi, il me semble. Robert Proust, le frère cadet de Marcel, est un chirurgien de renom. Mobilisé dès août 14, il constate qu'il sauverait des vies s'il pouvait opérer sur le lieu même des combats. Beaucoup de soldats gravement blessés meurent lors de leur évacuation vers l'arrière. Il met en place une flotte d'ambulances qui parcourt le champ de bataille, ainsi que le premier bloc opératoire à intervenir nuit et jour sur le front. Robert Proust a toujours été d'une grande bienveillance à l'égard de son frère et le protège. C'est lui qui publiera les derniers volumes de « À la recherche du temps perdu » à la mort de Marcel. Après la visite médicale, Marcel Proust est sorti de l'hôtel de ville à pas lents, blême, des cernes marquées sous les yeux, cherchant du regard un fiacre qui le reconduise chez lui. Oh, monsieur Marcel, je me faisais un sang d'encre. Il est 6h du soir, voilà des heures que vous êtes sorti. J'ai dû marcher un peu. Ils vous auront ruiné la santé. Laissez que je vous aide à retirer votre manteau. Je vous ai préparé quelque chose à déjeuner dans votre chambre. Je vais vous aider à marcher. J'ai ciré le plancher, attention, ça peut glisser. Voilà, asseyez-vous bien confortablement. Oh là là là là là là. 2 œufs brouillés, ça vous plaît ? Et des confitures de chez Tanrade à la Madeleine, c'est là que se servait votre maman. Merci. À l'école des bonnes sœurs, au village, il y avait une sœur converse qui disait tout le temps « Ne mangez pas trop, vous aurez l'esprit libre et la santé durable, mes enfants. » C'est vous, la sœur converse. Vous riez. C'est donc qu'ils ne vous ont pas pris. Oui, fini les tracas, la convocation, le médecin-major et pas ta vie et pas ta là. 6 mois. Ils m'ont ajourné à 6 mois. C'est 6 mois que la guerre n'aura pas. Comment vous a-t-il dit ça ? Monsieur Proust, Marcel Valentin. Je vais examiner votre dossier selon les dispositions de l'arrêté du ministre de la guerre du 15 septembre 1914. Vous avez fait votre service à Orléans, intégré le 15 novembre 1889 au 76e régiment d'infanterie stationné à la caserne Coligny. C'est bien cela? Vous lui avez dit pour votre asthme, j'espère. J'ai dit que même mon père n'avait jamais réussi à le soigner. La morphine ne me fait aucun effet. Et pour Monsieur Robert, il le savait qu'il est médecin-major à Verdun, ce n'est pas rien. Non, il m'a dit avec reproche que j'aurais dû le leur faire savoir. Puis il m'a remis mon certificat de position militaire en me demandant si j'étais architecte. Respirez, Monsieur Marcel. Ajournez à 6 mois, et la guerre sera finie un instant-là. Vous dites cela sans y croire. La guerre, ce n'est pas un match de boxe. C'est comme une maladie. Elle semble conjurée par un point et reprend d'un autre. Aujourd'hui, noyon est délivré. Demain, on n'aura plus ni pain ni chocolat. Mais le principal, c'est que vous allez continuer votre écriture. Oui. J'ouvrirai bien la fenêtre, moi. On est tout à feutré dans cette chambre. C'est le printemps. Les oiseaux chantent, même si c'est la guerre. Ohé ! C'est Henriette, la concierge du 104. Qu'est-ce qu'ils font, là, tous autour du kiosque ? Ah, voilà le porteur de journaux, Monsieur Marcel. C'est lui qu'ils attendent. Il apporte le communiqué du soir et quelqu'un va lire tout fort. Qu'est-ce qu'il dit ? Chut, chut, attendez, j'écoute. 2 avions allemands ont été atteints par le feu de nos avant-postes. Ils sont tombés à 600 mètres de nos lignes à Lunéville. Près de Barry-au-Bac ou quelque chose comme ça. On a enlevé hier soir une tranchée ennemie. Ils l'ont reprise dans la nuit. En Argonne, une action de tranchée à tranchée se poursuit à notre avantage. Qu'est-ce qui s'est passé en Argonne ? Notre ascendant sous l'ennemi s'affirme dans ce secteur. J'ai fini de manger. Je ne prendrai pas de confiture. Voulez-vous que j'aille téléphoner pour faire venir un autre dessert du traiteur de la Trinité ? Ce serait mieux d'avoir le téléphone chez soi que d'être obligé d'aller au café, mais si quelque chose vous fait envie. Merci. Ah, comme je vous aime. Céleste, le temps est une douleur. Monsieur Marcel, il faut que vous soyez bien bouleversé, vous m'appelez Céleste. Vous souffrez tellement. Oh, j'ai une vie assez dure, mais elle ne sert à personne. Voulez-vous que j'aille vous prendre le journal de la bourse pour vous changer les idées ? Non, je vais me mettre au travail. Vous êtes si pâle. Vous ne voudriez pas partir un peu à Cabourg ? Vous verrez, Céleste. Quand j'aurai mis le mot fin, je vous emmènerai à Venise. Ou à Nice. Ou alors nous resterons toute une année à Cabourg. Ce sera bientôt. Céleste, mon livre est comme une cathédrale. Même bâti, on peut toujours l'orner d'une chose ou l'autre. Un vitrail, une petite chapelle. Allez vous reposer à présent. Cette note que j'ai écrite hier soir, où Céleste l'a-t-elle rangée ? Je vois bien qu'elle a pleuré. Elle ne dort pas depuis 8 jours. Bon. Me voilà ajournée à 6 mois. 6 mois pour finir mon œuvre. C'est vain, je n'y arriverai jamais. Et il disparaîtra pour toujours ce monde que je connais, qui est ici, dans cette chambre hermétiquement close, et dans mes cahiers toutes ces présences qui demandent à survivre, à la recherche du temps perdu. Un temple immense à la perception des vérités, à jamais perdu. Ah, voilà. C'est ce que j'avais noté hier. Céleste l'avait classé où il fallait. Peu de temps après, un matin où il avait plu et où il faisait presque froid. En 1915, Marcel Proust écrit À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le 2e tome d'À la recherche du temps perdu. Il commence la rédaction du cycle d'Albertine. C'est dans ce volume qu'apparaît Balbec, ville de bord de mer inspirée de Cabourg, où le narrateur va tomber amoureux d'Albertine Simonet. Nuit après nuit, respectant à la lettre la moindre habitude de l'écrivain, Céleste va l'assister dans l'écriture de « À la recherche du temps perdu ». 3 volumes étaient annoncés en 1913 après un amour de Swann. Il en composera 6 jusqu'à sa mort. Pendant 8 ans, Céleste aura en charge les fameux cahiers noirs contenant les esquisses de la recherche. Il lui revient aussi de mettre de l'ordre dans les notes qu'il prend sur des enveloppes ou des couvertures de revues. La nuit tombe sur Paris ce 13 avril 1915. C'est un soir comme les autres. Malgré la fatigue et les péripéties du conseil de révision, Marcel Proust est au travail. Demi-couché dans son lit, à peine soutenu par un oreiller, les genoux en guise de pupitre, il écrit avec un simple porte-plume d'écolier à la lumière d'un petit abat-jour vert qui éclaire le papier blanc. Dehors, les projecteurs de la défense anti-aérienne sillonnent le ciel. Peu de temps après, un matin où il avait plu et où il faisait presque froid, je fus abordé sur la digue par une jeune fille portant un toquet et un manchon, si différente de celle que j'avais vue, que reconnaître en elle la même personne semblait pour l'esprit une opération impossible. Le mien y réussit cependant, mais après une seconde de surprise qui, je crois, n'échappa pas à Albertine... Oh, je suis trop fatiguée. Mes yeux me font mal. Céleste ! Céleste ! Arrivez dans ma chambre. Voulez-vous me passer le 3e cahier noir, s'il vous plaît ? C'est tout mité, regardez. Voilà un bout de page qui n'est plus qu'une dentelle. Il n'y a pas mieux que les mythes pour se mettre toujours dans les meilleures étoffes. C'est malheureux. Peut-être vos plus belles idées. Demain, vous irez chez l'opticien prendre quelques paires de lunettes. Que je choisisse. Il serait mieux de vous faire examiner les yeux. Vous ne croyez pas ? Oh non. Ce serait toute une affaire. Reprenez le cahier, merci. J'ai vu ce que je cherchais. Céleste, quand ce sera fini, nous détruirons les cahiers noirs. Si je meurs avant, vous les brûlerez. Ne parlez pas de ça, monsieur Marcel. Reconnaître en elle la même personne semblait pour l'esprit une opération impossible. Le mien y réussit cependant, mais après une seconde de surprise... Il l'aime au point de ne pas la reconnaître quand il se trouve seul avec elle, tellement il en est bouleversé. C'est une si délicate émotion. Bon, je vous laisse. Quel temps me dit Albertine ? Quel temps me dit Albertine ? Au fond, l'été sans fin de Balbec est une vaste blague. Vous ne faites rien ici ? On ne vous voit jamais au golf, au bal du casino. Vous ne montez pas à cheval non plus. Vous devez vous raser. Comme vous devez vous raser. Vous ne trouvez pas qu'on se bêtifie à rester tout le temps sur la plage ? Il n'y a plus de place. Et je pensais alors qu'il n'existait pas de personne plus désirable. Ah. Céleste ! Ah, je ne sais comment faire. Céleste ! Oh, pardonnez-moi de vous appeler sans cesse. Vous n'êtes pas trop fatiguée ? C'est vous qui devriez vous reposer. Ce matin, le conseil de révision. Après ça, à peine un déjeuner, et vous voilà, à 11h du soir, encore au travail. Et comme ça, jusqu'au matin. Cette vie que je vous fais mener à vous tenir éveillée toute la nuit, vous me le diriez si vous vouliez me quitter ? Voyons, quelle idée. Il faut bien avancer le chapitre. Qu'y a-t-il, monsieur Marcel ? Toutes mes marges sont pleines. Et j'ai encore tant de choses à compléter. Je ne sais comment m'en tirer. Si je mets des feuillets volants, le typographe va s'y perdre. Si ce n'est que cela, c'est simple comme tout. Je collerai vos feuillets volants du mieux que je peux au bon endroit. Il suffira de les replier. Les éplats, mon général ! Je vous recommande d'aller à la cave, Céleste. Je ne descendrai pas. Ah oui ? Oui, car vous-même, vous ne pouvez pas descendre à cause des poussières qu'on y respire, à la cave. Je suis un grand malade. Vous êtes jeune. Que ça vienne à tomber, à la cave ou ailleurs, on mourra de toute façon étouffé. Alors autant périr un peu plus haut que tout dessous. Descendez, Céleste, je vous le demande. Ce qu'il y a de beau avec vous, c'est que tantôt je suis comme votre mère et tantôt comme votre enfant. Vous seul savez comme le temps me presse. Je sais que vous avez en tête tout le défilement de votre livre et que vous devez l'écrire quoi qu'il se passe. La guerre est comme une substance interposée entre nous et les objets. Nous vivons dans la guerre. Odilon affirme que les ouvriers et les petits commerçants, il n'y a pas mieux pour courir sous les balles. Ils sauveront la France. Ne soyez pas inquiets. Je vais éteindre les lumières partout. Depuis un mois, les raids de Zeppelin, ces ballons dirigeables allemands chargés de bombes, ont commencé à survoler Paris. On coupe les becs de gaz et les enseignes lumineuses avant 20 heures. Les cafés ferment. Paris devient une cité d'ombre. À chaque alerte, les Parisiens essayent de rejoindre les caves. Les bonnes, logées au 7e étage, dévalent les escaliers de service. Même les catacombes servent de refuge. Sur le boulevard Haussmann, plongé dans le noir, des sergents de ville passent pour ordonner l'extinction des feux. Marcel Proust éteint la petite lampe de chevet. Il y en a bien pour une heure. Une heure, ce n'est pas qu'une heure. C'est un vase rempli de parfums, de sons et de climats. Combien d'heures me reste-t-il à vivre ? Assez pour finir mon livre ? Ce livre, il faut que je l'écrive. 6 mois. Tout à l'heure, cet ultimatum m'effrayait. À présent, il me met au défi. Je l'écrirai. Et ce ciel ? Un à un, les aviateurs s'élancent. Et Paris, dans son inutile beauté, sans défense, attend les bombes. Je ne savais pas tant l'aimer. Quelqu'un peut-être des nouvelles de Reynaldo ? Il a le cœur trop tendre pour la guerre. Sous sa joie de façade, il y a du malheur. Bientôt minuit. Bientôt le 14 avril 1915. Je l'écrirai, ma cathédrale de temps. Il me faudrait le cahier 12. Céleste ! Céleste ! « 1915, une journée dans la vie de Marcel Proust » de Christine Spianti avec Marcel Proust, Clément Hervieux-Léger, Céleste Albaret, Claire de la Rue du Camp, tous deux de la Comédie-Française. À la technique, Olivier Dupré, Valentin Hazan-Zilinski et Antoine Teboul. Réalisation, Hélène Bizio. Dans quelques minutes, nous continuons de parler de Marcel Proust avec mon invité Jean-Yves Tadié. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La villa doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies. Des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux. Et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour. L'a-t-on connu qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère? Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent sans effort, sans mouvement sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles. Insectes en antique sur les falaises immobiles, observe de loin l'Afrique. Retourner à la mer sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Julien Michel. Jean-Yves Tadié, nous avons donc accompagné Marcel Proust et Céleste Albaret dans cette journée du 13 avril 1915. Beaucoup de choses étonnantes. On apprend que Marcel Proust, pourtant réformé, a été convoqué à une visite médicale. Il aurait pu peut-être partir sur le front. On ose imaginer Proust dans une tranchée. Il donnait une immense boucherie de la guerre. On avait besoin de tout le monde. Et donc, on prenait les gens très jeunes et les gens très vieux aussi bien. Et les malades également. C'est pourquoi il était convoqué périodiquement par le conseil de révision pour voir s'il était vraiment malade et pour combien de temps et dans combien de temps pourrait-il se réveiller. Et cette fois-là, donc, il est bien convoqué. Il y a une petite part de roman dans l'émission, il ne se rend pas en réalité au conseil de révision, et le président de ce conseil, au vu du dossier, le remet à 6 mois, et Proust, en remerciement, lui envoie les plaisirs et les jours avec une très belle dédicace. On ne sait pas ce qu'en a pensé le président de la commission, mais en tout cas, il n'a pas jeté le volume. Oui, donc il est reconduit pour 6 mois. Donc il a. Et 6 mois après, le conseil, la commission va se déplacer au boulevard Haussmann et constater qu'en effet, Proust est réellement malade. Combien d'œuvres qui n'ont pas été abouties parmi tous les soldats qui sont partis à la guerre, c'est des choses. Sûrement à la guerre. Il faut dire que les Allemands ne faisaient pas comme nous. Ils n'envoyaient pas en première ligne leurs écrivains et leurs artistes. C'est comme ça qu'ils n'ont perdu ni Kafka, ni Musil pour les Autrichiens, ni tant d'autres. Quel regard Marcel Proust portait-il sur la guerre ? C'est très intéressant. D'une part, il pensait qu'il devait absolument en parler dans son œuvre. Donc, son œuvre est considérablement modifiée par l'introduction de la guerre dans la dernière partie de La charge d'un perdu qui s'appelle Le temps retrouvé. Et d'autre part, il le dit lui-même, il vivait dans la guerre. Comme tout le monde, il savait, il sentait que les Allemands n'étaient qu'à 60 kilomètres de Paris, qu'ils occupaient 20 000 kilomètres carrés du territoire français, et qu'ils pouvaient le lendemain ou le surlendemain être à Notre-Dame. Et il lisait 7 journaux par jour, dont le journal de Genève, qui était le seul qui lui apportait un point de vue objectif parce que neutre, celui d'un grand expert militaire. Il s'inquiète pour ses amis, on l'a entendu. Par exemple, oui. Bertrand de Fénelon, lui, est mort. Il s'inquiète à juste titre, parce que tout le monde peut mourir, puisqu'on l'envoie. Il y a des batailles comme celle de Vaucroy, qui fait des dizaines de milliers de morts. Et il perd plusieurs membres de sa famille, des cousins. Il perd 2 amis très intimes ce mois-là, où Bertrand de Fénelon, dont il est question d'émission, et Robert Dumière, qu'il appelait mon petit Mowgli, parce que Robert Dumière avait traduit le livre de la jungle de Kipling, qu'il l'avait aidé à traduire Ruskin, et qu'il avait été un ami très intime, tous les deux étant des modèles d'un des principaux personnages de La recherche du temps perdu, qui s'appelle Robert de Saint-Loup, qui meurt également au front avec le plus grand courage, à la tête de ses hommes. Et Reynaldo Hahn, donc son amant, a demandé, comme beaucoup de gens d'ailleurs, non pas à se planquer, mais à être affecté au front dans les endroits les plus dangereux. En l'occurrence, il est à Vaucroy, où a eu lieu cette très grande bataille. Vaucroy qui a d'abord été pris par les Allemands et repris ensuite par les Français. Cette fiction nous montre aussi un aspect extrêmement émouvant de Marcel Proust, c'est sa relation avec Céleste Albaret. Cette femme est assez extraordinaire. Oui, c'est une grande chance pour suppose de l'avoir rencontré, d'avoir connu quelqu'un d'aussi fin et d'aussi intelligent, et qui a d'ailleurs tout sacrifié, y compris presque son mariage, tout sacrifié à cet homme dont elle ne lirait jamais une ligne en réalité. Elle sait lire, elle sait écrire, mais elle a peu d'instruction. Exactement. Elle a perçu, par la faute de la République d'ailleurs, l'instruction qu'elle aurait mérité, comme tout le monde, de recevoir. Mais elle a naturellement une forme d'intuition qui supplée à sa culture. Elle survivra longtemps à Marcel Proust. Je vous propose d'écouter sa voix. Elle était interviewée en 1949. Il était évidemment très tyrannique, si on veut le voir par là, parce que il n'y avait pas d'heure, de jour ni de nuit. Ou au moment où il voulait quelque chose, il fallait qu'il l'ait. Et par conséquent, il ne ménageait rien que de vous le demander toujours avec une extrême gentillesse. Et moi, je l'aimais tellement, je m'étais tellement attachée à lui que même dans mon sommeil, n'importe quelle heure, j'étais heureuse de lui faire plaisir. Mais évidemment que si on le juge tel qu'il était, avec sa gentillesse, si on n'avait pas eu plaisir de le servir, parce qu'il émanait en lui-même une espèce d'atmosphère où on se plaisait même dans cette tyrannie, on n'aurait pas pu rester chez lui. Étonnant ce mélange qu'elle dit donc d'extrême gentillesse et de tyrannie en même temps que représente Marcel Proust. Oui, c'est très, très bien dit, et bien sûr, il n'y a rien à changer. D'ailleurs, Céleste Albarès était tellement identifiée à Proust que, quand elle recevait les gens qui venaient l'interroger, elle parlait comme lui. De longues phrases, complexes, et elle a admirablement senti la personnalité de l'écrivain. Pas toute sa personnalité, parce qu'il y a des traits qu'elle n'a jamais voulu voir, notamment l'homosexualité, mais en même temps, elle savait qu'elle était avec un génie. D'ailleurs, Proust le savait aussi. Il lui dit, Céleste, plus tard, les gens viendront du monde entier vous interroger sur moi. Ah, il avait quand même une idée de... Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas... De la notoriété qu'il aurait. C'est pour ça qu'il ne veut pas mourir à la guerre. Il le dit, c'est pas qu'il a peur, mais c'est qu'il sent qu'il porte en lui une œuvre qui est plus grande que lui. Et Céleste apparaît dans La recherche du temps perdu sous les traits de Françoise. Oui, alors comme tous les personnages de Proust, c'est pas le seul clé du personnage, notamment une autre gouvernante qui est Céline Cottin et une troisième qui s'appelle Félicité, ont contribué au personnage notamment par l'âge. Françoise est beaucoup plus âgée que Céleste, mais dans la façon qu'a Céleste d'aider à la confection matérielle des papiers de l'œuvre, ça c'est quelque chose qui passe à Françoise et c'est une sorte d'hommage que Proust lui rend. Elle est d'ailleurs aussi nommée dans l'œuvre sous d'autres traits à propos de Balbec. Quand on pense à La recherche du temps perdu, on a souvent en tête des images de personnages de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, ce qui est une réalité, effectivement, mais en même temps, Proust, on l'oublie, peint aussi des personnes de milieu modeste, des domestiques, des hommes et des femmes du peuple. Oui, il peint finalement à peu près toutes les classes sociales. Il y avait 1 million de domestiques en France en 1900, par exemple, qui étaient issus évidemment des classes populaires. Et il sait mieux que personne reconstituer un univers à partir d'un mot, d'un geste, d'un comportement. Céleste Albarès donc restera aux côtés de Marcel Proust jusqu'à sa mort. Ce sera le 18 novembre 1922. Il meurt des suites d'une pneumonie. Elle vivra jusqu'en 1984, donc elle est morte à l'âge de 93 ans. Merci beaucoup Jean-Yves Tadier. Je conseille vivement la lecture, d'abord évidemment de La recherche du temps perdu de Marcel Proust, disponible en Pléiade ou en collection de poche chez Gallimard, et votre biographie passionnante qui fait référence chez Gallimard, qui s'intitule tout simplement Marcel Proust, qui est disponible aussi dans la collection de poche Folio. Et puis je signale que va bientôt paraître, le 1er février, une nouvelle édition d'Un amour de Swann de Proust, édité sous votre direction, Jean-Yves Tadier. Et il y a bien sûr à lire le livre de Céleste Albarès, Monsieur Proust, qui est disponible chez Lafon. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Sur France Inter, c'était à l'instant une rediffusion de « Autant en emporte l'histoire ». D'autres émissions, d'autres narrations de Stéphanie Duncan sont à retrouver sur franceinter.fr.